C'est-à-dire plus ou moins. T'as un improvise. Je suis prêt. D'accord. Toi, t'es prêt? J'improvise. Ok. Eh bien voilà, on dit... Bah, papa, c'est foiré, j'adore. On va se rattraper parce que normalement on commence... Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voici le troisième... D'accord, ça boit avant, ok. Tu trinques, tu bois. Non, j'ai parlé... J'ai dit bonsoir avant de boire. C'est pour ça que normalement, je fais une mini présentation avant normalement. En fait. Ouais, ok. Donc bonsoir, voici le troisième épisode de Road to Hellfest. D'ailleurs, je pensais à ça. Est-ce qu'il faudrait mettre des jingles? Non, c'est un autre truc. Ouais, ouais. Est-ce qu'il faudrait en mettre ou pas? Non, je pense pas parce que tu vois, c'est du renouveau à chaque fois. Plus ou moins, ouais, comme là, c'était un super départ. Donc, eh ben, comment ça va, Bob? Eh ben, écoute, super. Eh ben, tant mieux. Super, impeccable. D'accord. Pendant cette petite semaine de vacances, alors? Ouais, il y en a qui ont des vacances. Voilà, c'est ça. Et toi, Joe? Bah, moi, ça va parce que tu vois, j'attends les vacances vendredi donc. Donc sachez que je vous déteste tous à une semaine d'intervalle en fait. Ok, voilà, cool. Ça fait plaisir. Donc au programme de ce soir, et ben donc des news. On a chacun la nôtre normalement. Normalement on a chacun la nôtre. Et après on va passer en revue les groupes qu'on a tous tirés au sort, sachant que à la fin du deuxième podcast, une fois que c'était coupé, on en a tiré 5 de plus chacun. 8 en tout. 8 en tout. Et que on parlera peut-être pas des 8 ce soir, mais on verra. Enfin, surtout Joe parlera peut-être pas des 8 ce soir, vu qu'il en a écouté. Il en a écouté qu'un. 5, il en a écouté. 5. Il va me dire 6 parce qu'il a écouté une chanson dans le début de l'enregistrement. Je sais. Donc, pour commencer, je pense que Joe va pouvoir nous faire sa petite news de la semaine, qui est... La mise à jour de l'appli. Depuis le temps que tu l'attendais, elle est pour toi. Elle est géniale, celle-là. Eh ben, vas-y. Mise à jour de l'appli, alors le programme a été affiché. C'est vrai. Donc, autre que la revue qu'il y a eu dans le magazine Rockard. Ça a toujours du mal avec ce. Donc, c'est sympa parce que y a deux interfaces. Alors, il y a tous les artistes qui vont passer, donc avec les horaires, et on peut les sélectionner aussi par lieu. C'est vrai. Donc c'est pas mal. Et scène. Et est-ce qu'on peut se faire enfin sa playlist comme t'attendais, enfin son running order Pas forcément. En fait, par contre, il y a le système d'étoiles. Ouais. Donc on clique sur l'étoile, hop, ça nous la met en mémoire et puis ça nous indique 15 minutes avant le concert ça va démarrer. Quoi. Ça, c'était déjà le cas avant ça. Voilà, exact. Moi je le savais pas. c'était déjà le cas avant. Et en plus, tu peux lier ça à ton compte Facebook et même partager tous les groupes que tu vois. Enfin, ça c'est classique. Mais est-ce qu'on arrive enfin à avoir le running order comme on l'a sur le site internet justement? Normalement, on a, sur le site internet, on en parlait dans l'épisode 2. Il me semble. En fait, tu peux aller sur le site internet et tu cliques sur les groupes que tu veux voir et tu te fais directement ta fiche imprimée. D'accord. Avec... Alors moi, j'ai fait la comparaison avec le programme officiel, quoi. Ouais. Les pages du programme officiel. Et donc, moi, je préfère me fier au programme officiel qui, visuellement... Toi, tu as besoin de papier, donc. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Alors, en fait, voilà, Bob est en train de faire un truc très radiophonique. C'est qu'il nous montre l'appli, voilà, comment ça marche. Sauf que, justement, en fait, j'attendais de voir si Joe avait bien fait son taf. En fait, tu peux pas cliquer sur les groupes. Bah, en fait, tu cliques dessus, mais ça va mettre sur le groupe. Donc, voilà. Du coup, tu es obligé de retourner ton téléphone. Donc, c'est un petit peu mal pensé, en fait, comme truc. Ouais. Tout comme quand tu cliques sur l'artiste, et ça, j'ai vu ça tout à l'heure et j'ai trouvé ça un peu naze. Quand tu mets billetterie, ça te renvoie sur la billetterie fermée du Hellfest. Oui. D'accord. Ce qui, quand potentiellement tu repars en arrière et que tu te rappelles que les groupes ont été annoncés une fois qu'il n'y avait plus de billets. Oui. Il reste encore des billets avec bus et tout ça, mais bref. Donc en fait, la mise à jour pour moi de ce que je vois, arrêtez-moi après si j'ai une connerie, mais en fait, tu as juste le programme maintenant qui est affiché quand tu mets ton téléphone en mode paysage en fait. As-tu remarqué ça, Joe? Oui, comme le running order. Ouais, et puis je te dis, visuellement, c'est. Moi, ça me plaît pas, je préfère avoir une bonne vue d'ensemble sur papier. Tu vois, là, c'est, je trouve pas ça pratique. De toute façon, la plupart des gens, enfin, tu le verras sur le site en lui-même, ont le fascicule voilà. Qui a été distribué dans Rockard, ils l'ont quasiment tous dans la poche. Et puis, il y a eu. Pour revenir à l'ancien. Enfin, la mise à jour de l'appli a eu du retard par rapport à la sortie du programme officiel. Ouais, mais ça, c'est, ouais, c'est pas très grave. Non, par contre, c'est vrai que c'est dommage que même quand tu passes en mode paysage, justement, en fait, bah, même les groupes que tu as choisis, en fait, ils sont pas d'une autre couleur ou pas, ce qui permettrait au moins visuellement d'avoir un truc... parce que l'intérêt, en fait, de cette nouvelle fonctionnalité, normalement, c'est de voir plus rapidement soit les groupes par lieu, directement ce qu'il y a sur les main stage arrivés ou tout ça, soit directement par horaire. Là, par exemple, tu vois qu'au début, il y a Inglorious, Putridophale et Verdun. Eh ben, tu vois directement que c'est à cette heure-là, tu as ces trois-là. Donc ça, ça peut être bien. Mm. Même si, effectivement, sur papier, tu l'as aussi. Mais si tu n'as pas ton papier, enfin bref. En soi, ce n'est pas mauvais. Mais ce que je trouve, moi, vraiment dommage, c'est que tu ne puisses pas cocher et sélectionner les groupes que tu as envie de voir. Autrement qu'en mettant une étoile, ce qui est déjà très bien. Mais, Et si tu n'as plus de batterie, bah, tu es dans la merde. C'est ça. Bah, tu as le papier. Voilà. Et car le papier n'a pas de batterie. Exactement. Tout à fait. Autre chose à ajouter sur cette mise à jour ? Non. Est-ce qu'elle fait partie des mises à jour qui corrigent quelques bugs ? Je sais pas ce qu'il y a ça des fois. Bah, il n'y a pas d'infos là-dessus. Bah, j'ai pas vu non plus, non, c'est vrai. Sinon, juste pour la blague, cet après-midi, je me suis tapé des délires à essayer de jouer au quiz. Je suis nul. Un jeu où tu peux. Disons que tu t'es pas amélioré, quoi. Parce que t'étais déjà nul la dernière fois. J'étais nul, je me suis un peu amélioré. Je connais un peu plus certains groupes maintenant. D'accord. Mais comme ils jouent sur les 3 jours et que je me suis concentré sur le vendredi. Voilà, je suis pas encore prêt. Bah, tu seras bon la veille de partir. Voilà, la veille de partir, tu penses que je gagne des scores. Et donc, tu allais dire, Bob ? J'ai cru voir qu'il y avait un jeu. J'ai eu oui dire qu'il y avait un jeu, en fait, avec le quiz de l'appli. Donc, tu peux gagner deux passes VIP, je crois, non ? Deux passes, 3 jours, non ? Ouais, VIP, ouais. On peut faire ça. Mais d'ailleurs, je crois que quand tu participes, ça va être marqué, ce que vous voulez... Ouais, mais je peux pas, moi, l'ouvrir, ce foutu quiz, donc du coup... Ah bon, toujours pas ? Toujours pas. Problème de connexion ou... T'as fait la mise à jour, toi, pourtant ? Ouais. Mais impossible. Tout nous baiser le son. Parce qu'il fonctionne avec Deezer. Et là, ça marche. Je tente ? Bah, tente, ouais. Ouais, mais ça marche pas. La radio et le quiz, ils fonctionnent avec Deezer. Donc ton Deezer bug... La radio, elle marche chez toi ? Ouais. Bah non, bah alors je sais pas. Non, je peux même pas écouter les groupes. Ah oui ? Sur le petit morceau de 30 secondes, je peux pas les écouter. Alors est-ce que c'est parce que je n'ai plus de compte ou un compte obsolète Deezer ? Est-ce que tu t'es enregistré via Facebook ou via autre chose ? Je sais pas. Bah écoutez, si quelqu'un du Hellfest qui s'occupe de l'application nous entend, il y a un bug chez Bob. Voilà. C'est pas grave, mais ça le fait un peu chier quand même. Ok. Moi j'ai remarqué une chose, c'est que tous les groupes n'y sont pas sur l'appli. Si vous regardez bien tous les groupes qu'il y a sur le programme, il y en a certains qui sont pas. Là tu te lances. Alors là c'est une très grosse accusation. Qu'est-ce que tu. Moi je suis sûr de toi. Moi j'irai pas sur. On aurait dû en parler avant. Et ben moi j'aurais dû noter le groupe que j'ai vu. Ah bah super, en plus. Je ne connais pas cette personne. Ah là là, t'es sûr de ce que... T'as vu un groupe du vendredi ? Eh ben en fait, je voulais trouver des infos dans les artistes. Ouais. D'un groupe que j'ai écouté qui était dans le programme du vendredi. Et je ne l'ai pas trouvé. Et c'est pas un truc à la con, genre les Ramoneurs du Menhir, t'as cherché à aller et pas Ramoneur ? C'est peut-être un truc à la con. Parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir aussi, moi. Je cherchais Divine, je crois. Regarde, les Ramoneurs de Menhir, ils sont pas R. Hein. Donc faites attention. Petite mise en garde, merci Joe. Bah, les Ramoneurs de Menhir sont allés, si ça peut t'aider. Ne faites pas de fausses accusations si vous ne trouvez pas quelque chose. C'était juste pour vous prévenir. C'est clair. Ne faites pas comme moi, je dis de la merde. Voilà. D'accord, très bien. On va vérifier alors tous les groupes. Hein, un par un. On va être obligé. Merci Joe. Vous n'avez pas que ça à faire. Ouais, c'est clair. J'espère que ça va pas être trop chiant à écouter pour vous. On va le faire maintenant. Ok. Bon, bah, Bob, à toi. Quelle est ta news ? Ma news, moi, c'était les casiers consignes. Bah, t'as pas de chance, c'est quoi cette news ? Ouais, super. Bah, je sais pas, je me demande pas si pas quelqu'un qui me l'aurait donné. Genre. Et toi, tu t'occuperais bien de ça ? Donc, cette année encore, des casiers et consignes seront mis à dispo dans l'enceinte du Metal Corner. Eh bien d'accord, pas ailleurs, au Metal Corner. Très bien. Casiers de plusieurs tailles, S, S+, j'ai vu ça sur le site, mais je crois pas, hein. M, L, XL, qui devront être réservés. Donc, il faut aller sur le site, pas. Bah là il en reste hein, alors où je parle, il y en a encore de bah, de toutes les tailles. Sauf le petit casier où tu peux recharger ton téléphone. Ah. Il y a un casier, il y a un système de casier où tu peux recharger avec une prise téléphone dedans. Et bah, il n'y en a plus. Ah putain, c'est stylé ça. Terminé. C'était combien? T'as pas fait gaffe au prix? C'était 25 balles je crois pour le... Pour les 3 jours? Pour les 3 jours. 4 jours parce que tu peux aller le chercher le jeudi à partir de midi. Ouais. Et le rendre le lundi à partir de... midi aussi. Et c'était un grand 14h pour le jeudi. Bah, c'était un petit casier. Hein. C'était pas... Ah, c'est vraiment celui que... Bah, ouais, juste pour le téléphone. Putain, et n'empêche, on prenait ça à plusieurs, on était le roi du pétrole. Hein. Enfin, au niveau de la batterie, en tout cas. Ouais, bah ouais. Ah putain. Donc, pour info, c'est 20€ le S, 32 le M, rupture pour le, tu vois, le dock charge, 40 pour le L, 52 pour le XL, 25€ pour un charge N-Rock. Je sais pas trop ce que c'est apparemment une petite batterie portable qui... Regardez, ouais, regarde. Si je trouve des infos. Ouais. Batterie portative pour recharge. Ça peut recharger les téléphones. Ça recharge un smartphone à 100%, tablette à 60% Voilà. Et ça, tu le loues ça? Et c'est loué 25€. Ouais. En fait, c'est une petite batterie portative que tu peux elle-même recharger pour qu'elle recharge. Non, mais non, c'est pas une batterie additionnelle. Je pense que c'est un autre truc justement parce que tu louerais pas. Ou alors tu la loues pour le festival, on te prête une batterie alternative. Bah, je crois que c'est ça. Ouais. Ah, d'accord, ouais. Ok. Ouais, je dis de la merde alors. Chacun son tour. Ah, toi aussi. Mais dis donc, c'est la soirée, c'est cool. Donc bah pour plus d'infos sur le site, bah allez sur le site officiel du Fest hein, tout simplement. Ouais. Faut retourner hein, parce que les news ça alors, fait longtemps. Ouais, et j'ai remarqué qu'en fait c'était assez difficile sur le site de retrouver certaines rubriques. Par exemple le running order, je n'arrive pas à le trouver sur le site. Je suis obligé de taper dans Google running order All Fest pour arriver à la page du running order. All Fest. All Fest. Ouais, ah, tu l'as entendu. Je pensais que. Bah tout le. Ouais ça tout le on Fest. On va nettoyer la merde à la fin du podcast. Et toi, c'était quoi ta news? Ah bah attends, une seconde, je regarde s'il y a les trucs de... Non, c'est juste que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le choix, c'est aléatoire, c'est le tirage au sort. Tout à fait, ouais, bien sûr. Non, alors juste pour info, c'est vrai que ça peut être pratique quand on a des biens de valeur et qu'on va le faire, d'avoir un casier qui ferme à clé donc, et d'y ranger les affaires parce qu'on stresse de laisser dans des tentes ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours... bon, c'est toujours une dépense en plus. Ouais. Mais c'est toujours un avantage. 52 balles pour le XL quand même, pour les 4 jours. Hein. Ah, mais le XL, c'est quoi la taille? Bah, j'ai pas les tailles en fait. Alors, attends, parce que moi je dois les avoir du coup. Size. Tu vois? Ah, bah voilà, c'est ça. Alors. Dis-nous tout. Et bah, j'ai bien envie de te dire. T'as pas les tailles? Si, mais c'est mal, je comprends pas, c'est en anglais. Il y a de mauvaises fois en plus. Non, pas du tout, mais il y a plus grand chose, on dirait. Ah, bah, j'ai été voir tout à l'heure, il y a 2 heures. Ah, non, hein, bah, c'est bon. Alors. Standard Plus, King Size, Power Bank. King Size, non, c'est des lits, ça. Non, oui, bah là, il y en a aussi. Alors, Dock Charge, Metal Corner et Power Bank, Avaya, ouais, d'accord. C'est pas très clair. Hein. C'est pas, non, c'est pas évident. Hein. Alors, Power Bank, ouais, donc c'est quoi? C'est un charge, ouais, c'est un dock. Ah, tiens, je viens de me rappeler qu'il y avait une news sur laquelle je voulais parler. Bah, j'en parlerai la semaine prochaine. non, mais une news du Fest, donc d'accord. Qui est passé inaperçu. Bah, bon, tant pis, j'en parlais de 2 secondes tout à l'heure. Parce que, en plus, je voulais faire un comparatif et tout. Bah, tant pis, je vais en parler, je ferai un comparatif après. Donc, le XL, je suppose c'est que sur la vie du au Fest. Non, bah, un truc en plus, un truc lié au Fest. Alors, King Size 90 cm sur 90 par 40 par 50. Il veut tenir l'audience, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est bien, hein, ouais, c'est bien. Et c'est combien t'as dit ça, le XL? 52 balles pour les 4 jours. Ouais, mais si t'es plusieurs. Oui, c'est ça. C'est, voilà. Moi, je sais que Joe a des trucs de valeur auxquels il tient. S'il m'a 52, c'est 1€, ça va. Voilà, c'est ça. Bah, écoute. Donc, bon, voilà, ok. Bah, très bonne news, tu vois. Ah. Bon, tu vois, moi, pour moi. Là, c'est du bon boulot. Quant à moi, bah, j'ai parlé de la news qui est sortie aujourd'hui. Pile poil, c'est la sortie de la cashless qu'on peut à nouveau réserver comme les années précédentes. Donc la calèche. Qu'est-ce que c'est qu'une calèche? Eh bien, demande au Amish. Au coucher. Alors, une cashless, c'est la carte de paiement directement sur le festival. Parce qu'en fait, il y a... Alors, je ne suis pas sûr de ce que je veux dire, mais je pense que c'est quand même le Hellfest qui a commencé avec il y a 2 ans. Et que maintenant, c'est devenu un système de paiement sur tous les festivals quasiment. Tu as des systèmes avec des bracelets ou des trucs qui sont équivalents au cashless. Mais de mon souvenir, de festivaliers. En France, peut-être. Je pense en France, ouais, je vais parler en France, parce qu'après, en Inde, il y a sûrement des festivals que je connais pas, et donc j'ai pas toutes les infos. Ah, ouais. Tu crois qu'il y a des festivals en Inde ? Eh ben... Festival de la vache, tout ça ? Sûrement. Ouais. Tu vois, d'accord. Tu serais surpris, je pense. Je pense. Il y a la Holy Party, je crois. C'est ah, ça, tu vois ? Ah, c'est ça. Donc peut-être que là-bas, il y a entre deux aspergages de poudre de couleur, voilà. Donc... je pense que la cachesse, on l'a pris tous les ans, toi et moi. Tous les ans, non, parce que moi j'avais fini la première, la bleue là. Et t'en avais pas repris une l'année dernière ? Eh bah si, on a pris la rouge, mais on avait fait les deux ans. Oui, bah voilà, donc c'est la troisième année. Hein. Oui, bah oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et Zach ? Donc ça sert à payer principalement sur le site du Hellfest, pas sur Metal Corner, je crois pas, ou alors juste au bar. C'est le seul truc que j'avais un doute, justement. Et... Mais je crois qu'il y a des nouvelles fonctions là. Sur en fait. Pour la petite histoire, toi qui ne savais pas, en fait, l'année dernière, tu pouvais normalement déjà la recharger avec l'application, c'est ce qui était annoncé. Et au dernier moment, genre une semaine avant ou 15 jours avant, ils ont dit qu'il y avait un problème avec, pas l'opérateur qui chargeait ça, mais le professionnel voilà, qui se chargeait de faire ça avec eux. Et donc, ils ont arrêté, abandonné l'idée, donc tu ne pouvais plus la recharger. Donc, tu ne pouvais la recharger que sur place. En fait, le principe de la cashless, c'est que tu as une carte de crédit que tu recharges avant de venir ou sur place. Via des caisses, et ça te permet à toi de ne pas avoir autre chose comme moyen de paiement, parce que de toute manière, tu peux pas payer autrement de souvenirs. Ouais. Donc normalement, tu peux encore réutiliser. Mais si, au bar, de toute façon, c'est si, au bar et au la bar du Metal Corner. Ouais. Ouais, mais pas. Au bar sur le site aussi. Oui, au bar sur le site aussi, au bar au Metal Corner, mais en dehors du site lui-même, c'est le seul truc. Dans Clisson, tu veux dire au Leclerc. Non. Quel connard. Mais non, mais sur le Metal Corner, c'est bien précisé que tu peux pas acheter de merchandising dans. Ça, c'est dommage par contre. Bah ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est... oui, c'est dommage, mais c'est cohérent. Parce que c'est pas eux. Non, mais. Donc, c'est... dans l'extrême voilà. Market, c'est... ça serait un peu. Ah non, pas dans l'extrême market, je te parle sur le site officiel. Moi, par exemple, tous les jours, je m'achète un t-shirt Hellfest. Oui, et bah ça tu casquette, peux. Bandana. Bah tu peux. C'est pas que par carte bleue ou. Ah non. Ou chèque. Ah non, je pense pas, non. Ou bien sûr, liquide. Non. Tu crois que la cashless Ah mais oui. Faudrait oui. que j'ai une preuve de ça. La carte cashless ne peut pas être utilisée sur les stands commerçants de l'extrême market. Voilà. Ni aux stands de produits dérivés. Du Hellfest. Ni sur les stands de restauration. Voilà. Indépendant traditionnel. C'est que sur la restauration Hellfest. Donc la boisson et la bouffe. Ouais, peut-être. Non, moi je pense que si. D'accord, je. Ouais. Alors, il est aussi important de noter que votre carte 2015 ne sera pas utilisable. Nous vous invitons fortement à précommander vos cartes à l'avance pour être équipé de ça. On a été prévenu. Le mec me vole la news. Totalement. Je te remercie pour ces précisions, Joe. À savoir qu'en fait, en 2015, enfin plutôt en 2016, tu pouvais encore utiliser la carte de 2015. Cette année, c'est pareil, tu peux utiliser la 2016, mais plus la 2015. Alors, est-ce que c'est tous les deux ans qu'est-ce qu'on changeable parce que. Bah, je sais pas. Mais tu veux dire, dans ce cas-là, est-ce que l'année prochaine, 2018, par exemple, on pourra utiliser la 2016 bah, je pense qu'ils laissent les gens, en fait, vider celles qu'ils n'ont pas terminées. Bah, j'ai vu des commentaires, justement, comme quoi il restait un peu de pognon sur certaines cartes. Ouais, parce que là, par exemple, on va pouvoir utiliser la 2016. Donc, on va forcément la vider, mais ne pas pouvoir la remplir. Alors, techniquement, elle est déjà vidée. Hein. Mmh. C'est vraiment... Enfin, ça arrive. S'il reste quelque chose, il va rester genre... Sauf quand elle est créditée de 20 balles par miracle. Oui, ça, il se trouve que des fois, des fois. Certains bugs informatiques voilà. Permettent quelques avantages non négligeables. Erreur de la banque en votre faveur. Exactement. Non, en fait, le truc, pour revenir en ça, je pense pas qu'elle va forcément changer tous les gens, mais c'est à partir de 2016 qu'ils ont inclus une puce dedans autre, celle qui permettait justement les transactions. Ouais. Et donc, il n'y aura peut-être pas besoin. Mais en même temps, la carte en elle-même, je crois qu'elle n'est pas chère. Hein. Non, elle est... Alors, je le sais parce que c'est bon, j'ai pris la mienne direct tout à l'heure. Elle est à 2 euros et t'as 1 euro quelque chose de livraison. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, moi, c'est cool que tu dises que ça démarre aujourd'hui parce que tu vois, j'ai lu ça dans le programme officiel et j'ai été sur le site qu'ils annoncent dessus et on n'avait pas accès au site. En fait. À quelle heure ? Dans la journée. T'es pas plus vague. J'avais une erreur de page en fait. Ah, parce que la news est sortie aujourd'hui et moi j'y étais vers 4h et c'était bon. Je l'ai commandé moi, c'est bon. Ouais, c'est pour ça peut-être que le site a été lancé, mais tu vois, c'est sorti aujourd'hui. Oui, ouais, c'est sorti aujourd'hui. Ouais. Parce que dans le bouquin, ils en parlaient déjà. Commander votre. Ah, mais non, mais parce que c'est carte... un truc qu'ils vont. Le bouquin, ouais, c'est prévu, un truc quoi. Qui est prévu. Donc si non. tu veux, ils mettaient le site dans le bouquin. Donc moi, j'étais directement sur le site parce que je voulais commander à Cashless. Après. Il y avait une erreur de page. Le truc qui est nouveau aussi, parce que. Alors, qui est nouveau, je pense, mais j'espère que Bob pourra confirmer si c'est pas le cas, c'est que tu peux l'acheter en arrivant au festival, si jamais tu l'as pas avant. Je crois que c'est nouveau, ouais. Parce ouais, pour moi, je ne m'en souviens pas, donc tu peux directement, en fait, quand tu arrives... J'ai un vague souvenir de... Fallait la commander avant, voilà, là, tu ne pouvais pas l'avoir sur tu place. Tu pouvais que la commander. Là, tu peux. Et l'accréditer direct. Voilà, et là, tu pourras l'accréditer avec l'application mobile Elfes, qui, donc, à mon avis, va être à nouveau mis à jour, parce qu'il n'y a pas du tout... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sur l'appli, ouais, qui laisse présager ça. Ah oui, d'accord, non, parce qu'en même temps, attention, le module de recharge Cashless installé sur l'application sera disponible uniquement pendant le festival. Voilà. Donc, ça sera peut-être un truc qui apparaîtra quand on vient là-bas. Voilà. En plus, le truc qui est intéressant, c'est que si tu la perds, tu peux la bloquer à distance, genre t'as perdu, voilà. Parce que j'ai souvenir de gens qui ont perdu une carte devant nous. Bien sûr, nous l'avons ramené à l'accueil, on s'est pas permis de vider les 50 boules qu'il y avait dessus parce qu'on est des gens bien. Ouais. Voilà, et après il y aura peut-être effectivement un changement, vu que là il précise bien qu'on a jusqu'au 7 juillet 2017 à 23h59 pour la vider. Enfin, pour faire la demande de remboursement, en fait. Ah oui. S'il en reste là, il précise bien que voilà. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Ah. Est-ce que c'est un truc genre de réseau, après ils vont pouvoir repartir tout à zéro, mais là il précise bien quoi. S'il te reste quelque chose pour te faire rembourser, après ils te remboursent par virement ou PayPal. Ah, c'est moins le bordel pour eux, je pense, pour les années d'après quoi. Bah ouais, c'est. Et c'est donc, surtout que ça évite les gens qui se plaignent. Je pense aussi, parce que moi j'ai vu des commentaires comme quoi, ouais mais moi il me reste du pognon sur la carte 2015, c'est la bleue. Et je fais comment pour. Sauf qu'on a été prévenu depuis très longtemps que 2015 ne ferait que 2 ans. Il fallait boire un peu plus. Ouais. Voilà. Ah, tu sais, des fois il fait chaud, on n'a pas assez soif que ça. Hein. Ça... Ouais. Enfin, si, mais pas. Pas toujours. Bah, que si, de bière. Mais pas toujours. Hein. Voilà, donc et ben, c'est tout pour la news cash/slash. Cashless. Toi, Joe, t'avais le dire Cashless, ouais, c'est bon. Ouais, t'as mis un accent, ouais. Ça compte pas, c'est éliminatoire. Et donc, l'autre petite chose que je voulais parler, donc j'ai. Que tu vas parler tout de suite, en fait. Voilà, mais je voulais faire une recherche d'abord avant, c'est pour les protections auditives Hellfest 2017, elles sont disponibles. D'accord. Tu les avais pas vues, ça hein? Ben non, non. Parce qu'en fait, tu sais, les protections auditives, comme on en a déjà parlé, on est vieux maintenant. Et on fait attention à nos oreilles et on veut pas avoir mal à la tête, pas à cause de l'alcool mais à cause du bruit. Cet acouphène qui reste pendant 4 jours. Voilà. Je crois que tu vois, ils ont mis des emplacements où tu peux les choper sur le plan. Ouais, mais ils l'ont pas annoncé, ce que je veux dire. Et ils sont dispo en fait depuis plus d'une semaine. Moi j'ai vu, ouais, j'étais là, sur le site. C'est pas les Hellfest. Non, les. Ouais, mais en fait, si, c'est, ouais, voilà. C'est eux qui les vendent en fait. Il y a des zones où tu peux. Parce que je m'en rappelle que moi j'en ai acheté à chaque fois parce que ça se perd très facilement. C'est vrai, j'ai perdu les miennes aussi. J'avais réussi à les garder. Je crois qu'il doit me rester une paire. C'était 5 euros les. Ceux qu'on a achetés, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Dans la petite boîte rose. Et donc, du coup, il y a les officiels Hellfest qui sont à 30 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut que j'aille vérifier, j'en parlerai la semaine prochaine, sûr. Elles sont plus stylées, elles sont vendues dans un étui Hellfest et il y a un pins avec, je crois. Cool. Voilà, donc je les prends. En tant que rédacteur et média, je serai obligé de le tester, donc je pense que je les prendrai pour tester. Bien sûr. Pour le podcast. Mais bien sûr. Mais sinon, et en fait, le test que je voulais vérifier avant, c'était justement de voir leur différence en termes d'efficacité comparée aux autres modèles. Mm-hmm. Et j'ai pas fini de rechercher justement. Parce que sinon, mes premières recherches seraient que celles à 5 balles sont mieux. Donc ça me paraît un peu. Oui. Un peu bizarre. Mais ouais. Donc voilà, je vais continuer mes recherches. Mais elles sont disponibles. J'ai pas vu sur le site du Hellfest. Je l'ai vu via la marque Acufen. Stop Acufen. Oh putain, je sais plus c'est quoi. Bon, Bob. Ouais. Meuble. Et c'est reparti, on va le faire à chaque fois. Hein. Bah, le roi merde. T'as que ça ? Bah, je ne sais pas. Moi. Tu bosses pas. Acufen. Acufen. Ah, mais c'est pas ceux, c'est pas eux justement qu'on voit tous les ans ? Si, c'est eux. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, en fait, elles sont plus stylées. Qui est un jeu de mots. Et c'est une édition limitée. Hein. Voilà, donc il y a exactement les mêmes modèles, mais sans le logo Hellfest et sans tout, qui doit être au même prix. À 30 balles aussi. Ouais, c'est pour ça que je voulais vraiment faire. C'est pour ça que je voulais vraiment faire une recherche sur la qualité des deux, en fait, la différence en termes de. D'accord. Parce que, effectivement. Donc, tu vas dépenser 60 boules de. Non, dans deux paires. C'était plus. D'ailleurs. Une recherche scientifique. Déjà, non, c'est plus savoir si entre les modèles à 30 boules et à 5 boules, il y avait une grosse différence. D'ailleurs, c'est pas 5 boules sur 6, c'est un poil plus cher. Mais, ouais, c'est 30 boules, tu vois. Et, ouais, c'est 30 boules et donc les autres sont à. Ouais, c'est pas donné, hein. Non, mais par contre, au moins celle à 5 euros, prends-les. Hein. Franchement, ouais, sera hyper moins fatigué. Ouais. Donc, c'est pas, ça fait truc de vieux, mais elles sont pas désagréables à porter. Ouais, mais c'est top, franchement. Donc, c'est toi qui m'as forcé, je me rappelle, en 2015 à en porter parce que j'en ai jamais porté. Mais c'est vrai que finir le Hellfest avec les oreilles qui sifflent pendant 4 jours. Donc, ouais, c'est cool. Sinon, je vous en ramène gratuitement du boulot. Sinon. Non, pas les petits bouchons. Non, c'est les bouchons. Enfin, c'est les bouchons jaunes, là. C'est non, que là, c'est le truc que tu peux mettre autour du cou. Non, on a testé. Hein, j'ai une petite boîte qui s'ouvre avec un petit stop. À mon boulot, moi, à cause du bruit, j'ai des bouchons moulés. Et en fait, je les avais amenés pour essayer. Ça marche pas. Parce que c'est pas du tout les mêmes sons. Là, c'est habitué pour ma zone de travail. Et je pensais justement que ça allait le faire comme un gros malin. En fait, je les ai retirés vite parce que j'entendais plus la musique et ça me protégeait de pas comme il fallait. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Du coup. On va, on a fini avec les news, hein, ce qui est déjà pas mal. On va passer au groupe qu'on a écouté. Sauf si vous avez... Alors déjà, petit tour de table. Est-ce que vous avez un coup de cœur dans ce que vous avez écouté? Plus ou moins pour ma part. Ouais. Bon, il y a des groupes. Moi, j'ai eu plusieurs coups de cœur. Ah d'accord. Des groupes que je connaissais. Ah oui. Non, parce que Joe m'a refait un peu le coup de la dernière fois avec Airborne. Il m'a dit ah ce groupe là c'est trop bien. Ah non, j'ai fait, mais il n'est pas dans ta liste. Donc, t'as des coups de cœur en dehors de ce que t'as écouté, en fait. D'accord. Donc, vas-y, parle-nous d'Airborne encore. Non, c'est... On va revenir dessus. Des coups de cœur sur ce que j'avais écouté. Ah, autant pour moi. Je t'en prie, vas-y. Coup de cœur sur Belphégor. Ah oui. Quelque chose que... Tu t'y attendais pas. Qui, ouais, voilà, que je m'y attendais pas du tout. Donc, Belphégor, un groupe autrichien, mélange de death black metal. Ce groupe, il passe à 20h45 au temple. Et leur style, leur texte, c'est anti-christianisme à fond. Ah, c'est dégueulasse. C'est pour ça que ça t'a plu. J'adore. Ah, t'es peut-être pas trop chrétien, je suis déçu. Bah, j'ai dû me tromper de podcast, en fait. Je sais pas, je suis... Et du coup, t'as écouté beaucoup ? Et ce groupe est des années 90. Il a mis un tellement de temps entre les deux trucs, je crois qu'il avait fini. Je pensais que c'était... Je te... Tu m'as rattrapé au vol, d'accord. Et donc, c'est bien ? Ouais, moi j'ai bien aimé. Tu veux aller les voir ? Bah, le problème, c'est que... Alors... Il y a Deep Purple. Voilà, il y a Deep Purple. Ramoneurs de Menhir. Et les Ramoneurs de Menhir. Donc là, c'est... Franchement, c'est... Cette heure-là, c'est dans un étau, là. Plus emmerdé, quoi. Et encore, t'as pas tout écouté. Donc, ma stratégie, c'était de me dire que Deep Purple, je vais peut-être pas les revoir. C'est peut-être fini pour eux, après. Tu veux dire que tu sais quelque chose? Il va leur arriver malheur? Ils sont malades? Qu'est-ce qui se passe? T'as lu l'interview dans... dans Rocka? Et bon, j'espère revoir Belphégor et Ramoneurs de Menhir un jour. Après, tu sais, il est toujours possible de faire un truc qu'on a déjà... Courir entre les scènes. Ouais, pour aller en voir d'autres, Ça va être compliqué, parce que la Warzone... Après, je me suis dit que c'est Deep chaud. Purple durait 2 heures. Ça aurait été la vallée. Donc, peut-être qu'au bout d'une heure, je vais avoir envie de bifurquer. Moi, j'annonce, je vais pas tenir les 2 heures de Deep Purple. Faut pas déconner quand même. C'est ce que je me suis dit. Donc, je vais regarder pour l'histoire, mais je vais pas tenir 2 heures. Ou alors je vais être emporté par le concert et ça va bien fermer ma petite gueule. Par contre, après, je suis toujours dans l'hésitation. Belphégor, les Ramoneurs de Menhir. Là, je suis encore emmerdé. C'est pour ça que je vous disais que cette heure-là, là, ce vendredi. Ouais, et c'est l'heure de l'apéro en plus. Aïe. Non, c'est compliqué là. Mais ça, t'as peut-être pas voulu le croire dès le début, ça va être compliqué souvent. Ouais. Moi, il y a plein de groupes aux heures que j'ai surlignés, ils passent en même temps. Hein. Je suis dans la merde. Mais c'est pas grave, faut faire des choix. Là. C'est ça le problème aussi d'écouter beaucoup de choses, ouais. Parce que des fois, tu as des coups de cœur en disant ah ouais, excellent, ça, je vais aller voir. Voilà. C'est... Ah bah non, parce que du coup, tu vois, bah, c'est ouais. La baisse. Donc autant s'arrêter au groupe que tu connais. Non, ça c'est dommage. Oui, c'est dommage. Surtout. Non, c'est. Surtout en plus, ce que je trouve intéressant, et là où je rejoins totalement Joe, c'est que moi aussi j'ai écouté Belphégor et que ça m'a pas du tout déplu. Et je m'y attendais pas, et j'ai dit putain, c'est pas mal quoi. Et c'est un petit peu pour en venir à ce qu'on disait dès le premier numéro ou dès le deuxième. Quand est-ce qu'on a parlé des étiquettes? Dès le premier, est-ce que tu as eu ce. Et bah, de se rendre compte en fait qu'on a forcément des a priori parce que ça passe au temple ou à Altar, plus ou moins, j'entends. Et que bah on va avoir un groupe qui est directement est inspiré Black ou Def ou un truc comme ça, et que bah de base on irait forcément moins vers ces groupes là et bah c'est ce que un petit peu on disait en avant de commencer à enregistrer, mais qu'on se retrouve à écouter des groupes qu'on n'aurait jamais écouté avant et que bah on découvre des choses, et c'est du coup vachement plus intéressant. Et moi, entre Belphégor, Deep Purple et les Ramoneurs de Menhir, d'où l'intérêt du tirage au sort. Voilà. Parce que moi, avoir écouté une dizaine de groupes death ou black metal, j'ai pas accroché du tout. Donc, c'est le genre de truc à se dire bon, bah, déjà, tout ce qui passe au temple ou à Altar, bon, bah, je vais pas forcément prendre le temps d'écouter. Je vais plutôt me concentrer sur des styles que je préfère. Bon, bah, là, tu vois, je tombe sur quelque chose que j'ai vraiment accroché, quoi. Après, c'est dommage que t'aies pas écouté tous tes groupes parce que t'aurais pu accrocher sur d'autres, là, je pense, mais bon. C'est ok, quelque tout chose ça juste pour Belphégor quand même. Voilà, donc quelque chose d'autre à dire sur Belphégor? Allez voir. Petite question, parce que moi ça, je me suis rendu compte que c'était important, et surtout au niveau du black. T'as écouté des choses récentes ou des choses anciennes ou un peu de tout? Alors, quand j'ai écouté, j'ai pas été voir si tu veux. D'accord. Depuis quand les groupes sont en activité. Non, mais c'est pas par rapport au temps d'activité, mais en fait j'ai remarqué et. Petite question, est-ce que tu as écouté l'album de la maturité? Ah, ça c'est important, non. C'est le 3 normalement, non. C'est le 3. Ce que j'ai remarqué un peu dans le black, c'est qu'au début les mecs commencent, ils ont zéro prod, du son dégueulasse, et c'est très très dur à écouter. Black Figure, là, il y a une grosse technique impressionnante. Comme beaucoup de groupes de DS et de black. Hein, ok, technique en général. Donc bon bah, à mon tour, je vais parler de mon premier groupe qui est Inglorious, qui est aussi un des groupes qui passe en premier le matin. Sur la main stage 2 à 10h30. Que je vais aller voir et tout le monde se fout de ma gueule. Pourquoi? Qui? Qui parce que c'est à 10h30. Ah non. Pour ça, pour le moment. Ah, alors ça, je croyais que tu parlais du groupe. Excuse-moi, j'ai marqué que je voulais le voir aussi et j'ai envoyé un SMS à Bob en lui disant je suis dans la merde, il va falloir que je me lève tôt. Oui, c'est vrai. Donc, parce que j'hésitais entre Inglorious et Putridophale, et puis j'ai écouté Putridophale et j'ai fait non. Parce que je me souviens d'un podcast où on m'a dit tu ne pourras pas aller le voir, c'est trop tôt, et même si tu vas le voir, on va te pourrir. Non, mais attends, alors, écoute, des fois on dit des choses, on n'est pas toujours obligé d'avoir raison. C'est notre expérience qui parle. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'on avait un peu beaucoup de mal à y être avant midi. Voilà, c'est tout. Et après, il y a aussi la notion qui a été très compliqué en 2016, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de fouilles à cause des différents événements qu'il y a eu en France, qui fait qu'on a perdu beaucoup, beaucoup plus de temps pour rentrer sur le site. Le retour de DF, par exemple. Voilà, ça n'a pas aidé. Donc, Inglorious, c'est un groupe anglais de hard rock assez récent, parce qu'il a été formé en 2014. C'est vraiment récent. C'est récent, effectivement. Par un chanteur du nom de Nathan James, connu dans son pays pour avoir participé à The Voice. C'est vrai. Non, mais si, je tenais à le dire parce qu'un mec a fait The Voice. Perso, pour moi, c'est le genre de truc en général où je vais pas écouter plus loin. En fait, The Voice of Hell ou... Non, The Voice. Mais le truc, c'est que j'ai écouté la musique avant et en fait, ça sent bon les 70s, quoi. Que ce soit du Deep Purple, Led Zeppelin, toutes ces références-là, c'est franchement... C'est un groupe de hard rock, c'est ça? Ouais, un groupe de hard rock, mais c'est hyper efficace. Ça donne envie de regarder la télé-réalité, quoi. Franchement, c'est hyper efficace. C'est pas One Direction qui a participé à un télécrochet comme ça aussi? Ah, je ne sais pas, je ne coupe pas One Direction. Pour reprendre un truc que tu as dit, que tu as fait la dernière fois en trois mots. Oh. Excusez-moi. J'aurais dit nostalgie, efficace et sincère. Parce que en fait, ce qui peut changer entre un mec qui fait de la télé-réalité et un autre, pour moi, c'est sa sincérité. Et franchement, au niveau musical, ça déchire grave. En plus, ils ont déjà sorti 2 albums. Wow. Mais par contre, comme j'ai marqué, donc du coup, Joe, on ira sûrement ensemble, parce qu'ils m'ont donné envie, ils m'ont donné envie de me lever le matin. Les yeux fermés, ou pas, mais on ira. Voilà, pardon, il n'y aura que Bob hein, qui ira pas. Parce qu'il a un petit peu de mal à se lever le matin, sinon il serait mieux avec plaisir. Non, par contre, sérieux, écoute, c'est hyper sympa. Ouais, par contre, j'ai noté. Ça révolutionne pas du tout le genre, hein. Mais c'est. Ouais, ouais, non, mais c'est efficace. Quoi. Voilà, c'est super efficace. C'est ce qu'on leur demande à ces gars-là. Donc, mon deuxième groupe. Non, j'ai connu à toi, Bob. Donc, ouais, attends, en galère. Ah, oui, c'est je suis en galère. Bah attends, sinon Joe il va aller faire un autre groupe. Ta galère avec. Donc, non. Moi j'ai essayé avec Divine Townsend Project. Ah ouais! Donc, Divine Townsend, en fait, c'est le nom du chanteur, tout simplement. C'est ça. Le petit gars est d'origine canadienne. Et ça, c'est bien. C'est du metal indus progressif heavy metal. Ouh! Donc, t'as participé à plusieurs albums en tant qu'invité. Oui. Du genre avec Paradise Lost et Gojira. Ah, Gojira. Ouais, c'est Gojira. C'est un petit groupe, ça. Ouais, bah il commence à monter. Ouais. Ouais. Bah je vous conseille d'ailleurs de découvrir. Ouais, la musique violente. Voilà. Oh, tu sais. Donc ouais, donc je disais entre autres, a enregistré quelques démos avec Jason Newsted, qui doit te dire quelque chose. Oui, c'est un bassiste qui a officié au sein de Flotsam et Jetsam. C'est ça. Et de Metallica. Bien entendu. Voilà. Et bah, c'est un chant assez aérien. Voilà. Avec une bonne énergie, un son bien tabassant quand même. Ouais. C'est propre, c'est nickel, franchement, c'est pas ma cam, mais c'est propre. Est-ce qu'on peut dire que tu as oublié un petit détail sur le père Devin Townsend qu'il a à la production? Pas que, il a aussi fait partie d'un groupe qui est entre deux entre ses projets solo, il a eu un... j'ai peur de dire une connerie. En fait, déjà, il a refusé un poste. Je sais pas si tu t'es renseigné un peu sur lui ou pas. Vite fait. Parce qu'il a refusé un poste de chanteur dans un groupe. Oui, oui, Judas Priest, non ouais, c'est pas ça je crois, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, je vais vérifier, mais ça doit être ça. Super groupe en plus. Ouais. Ouais, il a refusé en disant non, merci. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, bah, écoute, je fais confiance, on verra. Mais je crois, je suis pas sûr. Et accessoirement, il a créé un groupe aussi, entre deux. Ah, tiens. Il a créé un groupe entre deux. Je te propose en fait. Un petit groupe ultra puissant, Strapping You Lad, que je t'avais conseillé. Oui, oui, j'ai vu ça aussi. Et tu as écouté? Pour moi. Non, j'ai pas écouté. J'ai bossé en fait cet après-midi, donc. Ah ouais? En rentrant du taf. D'accord, très bien. Ok, bah excuse-moi, je t'ai coupé, donc je te laisse un peu. Bah j'ai pas grand-chose à dire de plus en fait, parce que je connaissais pas à la base. Ouais. Les clips ont l'air très engagés, nature et être humain, tout ça. Mmh. Hein, c'est du grandiose un peu, voilà. Et si j'ai vu quelques morceaux en live aussi où c'est un peu trippant sur scène, un peu fringue, et j'ai vu une espèce de, je sais pas le titre du morceau, mais sur une estrade en hauteur il y a un couple, une demande en mariage, enfin je pense qu'ils font un peu une espèce de petite mise en scène par rapport à leur morceau, mais voilà, après j'ai pas trop compris. Il y a une chanteuse aussi, après, ah ouais. Ce que j'ai vu, enfin mais c'est du bon son. Après voilà, c'est pas ma cam, mais c'est propre, tout simplement. Et je n'irai pas les voir. Il faut savoir aussi que le compère Devin souffre d'une maladie. C'est en fait déjà il est à moitié, il est multi-instrumentiste, il peut jamais s'arrêter, c'est un fou. Et en plus, si je dis pas de conneries, il doit être bipolaire. Mais un truc assez. Qui a fait qu'en fait, à un moment donné, il a eu une grosse dépression. Et qu'après, il est remonté et qu'il s'est servi un peu de Strapping New Life, en fait, pour évacuer tout ça, en fait. Ouais. Et genre, même pendant un moment donné, en fait, où il a arrêté de prendre ses médicaments pour relâcher la bête. Parce que, voilà. C'était juste pour. D'accord. Non, oui. Pour la petite histoire. Voilà. Ok. Joe. Eh bien, merci. Moi-même d'ailleurs. C'est vrai. Donc, mon deuxième coup de cœur. Direct ! Deuxième coup de cœur. Ouais. Tu marches au coup de cœur, toi, en fait. Quoi. C'est un mec du coup de cœur. Je dis coup de cœur parce que c'est quelque chose que je connaissais pas, que je viens de découvrir. Cominterg Sect. C'est ça, je le prononce bien. Cominterg Sect. Oui, je vois. Warzone. Qui brûle des églises. Voilà. Warzone. Autant pour moi. Ouais, c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout ce à quoi ça va te faire penser. Hein. T'as écouté aussi? Ouais. Ouais. Ouais. Ah, mais faut que j'écoute, mais je comprends. Ah, t'as pas écouté? Ouais. Non, tu devrais. J'ai écouté mes groupes et quelques autres. Donc, un groupe de punk Oi, français. Ouais. D'accord, content pour moi. T'as écouté. Ouais. T'as bien aimé Ouais, après, c'est punks d'Orléans. Ouais, des copains presque. Je ne sais pas s'ils habitent toujours à Orléans, mais. Ça reste des frères. Parce que. Ils ont une grosse. Leur principale activité musicale, ça a été de 1980 à 1986. Ah, ils sont pas tous. Et ça se sent en même temps. Hein. Dans ce que j'ai écouté, mais... c'est vrai que ça pue. Ouais. Et les punks reviennent en force. Hein. C'est vrai. Le punk n'a jamais disparu, il a toujours été là. Ils se remettent en scène. Discrètement. Là, disons les. Ils sont vieux maintenant. Un peu plus sur le haut de la vague en ce moment, c'est vrai. Voilà. C'est dommage parce que j'ai trouvé qu'un seul album sur Spotify. Ah oui ? Alors qu'ils ont sorti, ils ont dû sortir 5 albums. Bah. Et sur Spotify, il n'y en a qu'un. J'ai même pas regardé la date dessus parce que moi, les Donc ça a été très rapide parce que le seul album qu'il y a, il doit y avoir 6 chansons dessus, je crois. Et sinon, c'est sympa à écouter, c'est super festif. Ouais. Il y a quelques chansons, c'est festif, d'autres, c'est super humoristique. Ouais. Donc voilà, c'est gay. Et est-ce que tu trouves pas que ça sonne vraiment quand même comme du vieux punk, quoi ? C'est-à-dire, c'est pas très moderne, c'est sympa à écouter, mais ça sonne vieux. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai. Ouais, c'est même au niveau de la prod, quoi. C'est ce qu'on appelle du riff dépouillé, quoi. Ouais, c'est clair, c'est dépouillé. C'est limite garage, quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, ça a dû être enregistré dans un garage. Et donc, c'est ton coup de cœur, donc tu iras les voir. Ouais. Mais ça passe en même temps que Avatar, que tu voulais voir aussi. Ouais. C'est dommage. Mais je crois que tout est comme ça. Et est-ce que tu as écouté Avatar ? Ouais. Avant ou. J'ai découvert. D'accord. J'ai découvert et puis j'ai bien aimé. C'est vrai. Est-ce que t'as regardé un peu scéniquement comment ils sont, Avatar ? Ils sont déguisés. Bien déguisés. Ils sont habillés. Ouais, ils sont plus habillés que déguisés, mais ouais. Mais et du coup, ouais, t'as cherché d'autres choses sur Comintern Sect ou pas ? Non, c'est tout. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc moi, je vais vous parler du deuxième groupe qui est Texture. Voilà. Ok. Alors à moi. Attends, j'avais des trucs à dire. C'est un groupe qui nous vient d'Hollande. Parce que pourquoi pas déjà. Alors ça sonne groupe prog. Je veux dire, surtout dans les premiers albums, c'est fou. Beaucoup moins sur les derniers. Parce qu'après, il y a eu d'autres influences. Moi, j'ai écouté des morceaux du. Ça me fait vachement plus penser à du metalcore ou du death mélodique. Mmh. Alors que c'est comme en fait comme je l'ai marqué dans mes notes, en fait ça serait un groupe prog qui n'aurait pas pris de melon et qui aurait juste décidé de faire de la musique pour s'éclater, tu vois. T'es genre arrêter de se dire attends on peut faire ça c'est hyper technique comme plan, ouais mais regarde tu vois il est juste fun, tu vois, ça me fait penser un peu à ça. Okay. Ça reste technique hein, c'est à écouter, mais c'est beaucoup plus ouvert sur les autres styles musicaux. Et du coup, des fois, j'avais même l'impression un peu d'entendre Soilwork. Je sais pas si tu te souviens un peu. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ça m'a fait penser à ça par certains côtés. Et pour reprendre... non, je vais pas reprendre les trois mots, ils sont pourris, ceux-là. Je prendrai sur d'autres. Vas-y, à toi. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. Je compte les voir. Parce qu'en plus, en face, il y a Warned, que j'ai pas du tout aimé. Et Nussgrush, qui m'a laissé un peu... voilà. Pantois. Donc Texture, j'ai bien aimé, j'ai envie de voir ce que ça donne en live. Voilà. Eh bien moi, mon deuxième groupe, c'est Avatar. Tiens. Je suis trop con, j'aurais dû attendre un peu, j'avais oublié que tu l'avais. Ben ouais, voilà, t'as dû à suivre aussi. Alors, groupe suédois, hein, mélangeant death mélodique, groove metal heavy, puissant et mélodique, bien sûr. Pour ma part, j'ai confondu... Ah oui, la première fois que j'ai entendu Avatar, mais j'étais au loin, je voyais pas du tout, je ne connaissais pas du tout ce groupe. Je me suis dit, tiens, un nouveau Manson ou un truc comme ça. Parce qu'il y a un morceau où tu as vraiment l'impression d'entendre la voix de Manson. Okay. Alors, en fait, pas du tout, hein, ça n'a rien à voir avec Manson. Voilà, pour les amateurs de Manson, désolé. Non, après, voilà, moi, c'est un groupe que j'ai découvert début d'année, je crois, fin d'année dernière, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, parce que oui, non, même bien avant, parce que quand tu étais au Download, tu les avais vus, donc non. Je t'en avais peut-être parlé parce que ça m'avait mis un peu mis une claque. Ouais, ouais. Bah, si, c'est toi qui m'en avais parlé. Je sais pas si je me souviens. Non, si, c'est sûr. Tu m'as dit, ouais, écoute Avatar, tu vas voir. Ouais, non, bonne surprise, vraiment très très bonne surprise. Et puis bon, les clips sont assez barge quand même. Un peu, ouais. Un petit côté freak show, un peu. Complètement. On va dire un peu comme dans la chanson d'ailleurs. Ouais. Smell like a freak show. Ouais. Ouais, la Monstrous Parade. Non, franchement, très très bon groupe. Et je vais les voir. Ouais, j'ai hâte d'aller les voir parce que bonne découverte. J'ai vu quelques petites vidéos sur scène où. Ouais, c'est bien. Ouais. Ça se la donne pas mal. Ouais, franchement. Ouais. Donc ouais, bon groupe, bonne découverte et je le conseille. Franchement. Ouais. Bah, c'est pareil, en fait, moi, quand j'ai été au download, je suis arrivé au milieu du concert parce que, bah, comme un connard qui connaît pas, j'avais pas été voir dès le début. Et en fait, je suis resté scotché jusqu'à la fin parce que j'ai pris une claque et depuis, j'ai jamais arrêté d'écouter parce que j'adore, quoi. Donc, c'est vraiment bien. Ce qui me permet, excuse-moi, Joe, je prends ta place, en fait, d'arriver sur une transition qui est, moi, mon coup de cœur. Et en fait, c'est Tyr, qui est un groupe que j'avais pas du tout prévu d'aimer. Ça va. Temple, ouais, d'accord. Ouais, non. Du coup, en fait, il me fait la complète pour m'emmerder. Ouais. Parce qu'il y a Avatar, Tyr et Comintern. Parce que j'ai fait écouter deux secondes avant. Et il a aussi, on retrouve exactement le même cas que Deep Purple, Belphégor et les Ramèneurs de Minas. Voilà. Passe vraiment bien. Alors, déjà, il faut savoir que Tyr, dans la mythologie nordique, c'est le nom générique qu'on donne à Dieu. Que ce soit un dieu du siège, dieu de la guerre, dieu de la stratégie, par exemple. Voilà. D'accord. Et que donc Tyr est un groupe de folk metal féroïen, originaire de Tórshavn, des îles Féroé donc. D'accord. Et il faut savoir que les îles Féroé, c'est au milieu de nulle part entre l'Écosse et l'Islande. Voilà, je vous dis tout ça parce que moi je le savais pas. C'était comme un connard, j'ai été regardé. Les îles Féroé. Les îles Féroé. Il y a un Féroé. Donc je ne savais pas. Donc le style du groupe est depuis ses débuts considéré comme du folk metal. Mais selon le chanteur lui-même, la mission musicale, ils ont une mission musicale. Ah, oula. Voilà, c'est de casser les murs existants entre les différents genres de métal néophytes des uns. Donc, ça, moi qui suis en train de dire il ne faut pas mettre des étiquettes, voilà. C'était le groupe parfait. Ça ressemble complètement à un groupe de base pagan, que ce soit du viking, machin. C'est vraiment dans ce truc-là, quoi. Ça j'aime bien. Ça. Moi, j'en écoute pas normalement, tu vois, c'est pas du tout mon style. Et en fait, je me suis créé une playlist avec les groupes que je devais écouter sans savoir ce qui passait. Et en fait, sur tous les morceaux d'eux, je me suis arrêté pour regarder. J'ai dit, putain, j'aime bien ça. Ça m'a fait chier, quoi. Donc après, c'est pas ton idée. J'ai été écouter d'autres groupes, enfin d'autres albums de toutes chansons qu'ils ont fait. Et en fait, j'ai adoré. D'accord. Parce qu'en fait, justement, comparé à du viking, du pagan, du truc dans le même genre, c'est qu'ils sont. Avec hyper de trucs métal, quoi, avec des putains de riffs de guitare et en même temps avec des trucs hyper épiques et tout. Alors apparemment les textes sont principalement influencés par le viking. Moi je m'en contrefous, d'habitude j'aime bien un groupe qui a forcément des super textes et qui a un sens. Là la musique me parle tellement que j'en avais strictement rien à foutre. J'ai putain d'adoré ce groupe, quoi. Et ça m'a surpris en fait, en premier en fait. J'ai été le premier surpris de dire putain mais j'adore, quoi. Et ce qui était chiant, donc c'est qu'il passe en même temps qu'Avatar. Donc du coup, pour comparer, j'ai été regarder quelques vidéos live et je dirais pas que c'est là que le bas blesse. Mais Avatar, c'est un show, comme tu l'as dit toi-même, Bob. C'est un putain de freak show. Et Tyr, en fait, les mecs, bah, c'est l'équivalent de ce que t'entends. C'est-à-dire, ils jouent très bien, c'est super bien, ça marche pareil, sauf qu'ils sont assez statiques. Et donc du coup, ça m'a encore plus créé un dilemme parce que du coup, je sais pas ce que je vais voir. Ça dépend si tu préfères le chaud ou le froid. Exactement, voilà, c'est ça. Et comme je ne me suis jamais posé vraiment cette question avant maintenant, et ben, je vais le noter. Chaud ou froid, que choisir? Voilà, enfin ça c'est. Désolé. C'était mon putain de gros coup de cœur. J'ai adoré ce groupe et j'ai même décidé d'acheter tous les albums et ça sera ma musique sur la route des vacances. Car oui, moi aussi je partirai en vacances. Alors pas un jour. Un jour, sur mienne. Non, mais voilà. Donc, j'ai entre Avatar et Tyr, je sais vraiment pas lequel je vais aller voir. Bref. Voilà. À toi, Joe. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Bah, dans tout ça, ouais, j'ai trouvé une bonne excuse de ne pas avoir écouté 2-3 groupes que je devais écouter. Dont Sub Rosa et Corvus Corax. Oh, Corvus Corax quand même. Parce que j'ai écouté Tagada Jones. Oh, Corvus Corax. Et il passe en même temps. Que Corvus Corax. Et Sub Rosa, voilà. Non, Ministry. Donc, ouais, Sub Rosa, ça passe à un autre moment. Là. Voilà, Tagada Jones, punk hardcore. Oui. Bien connu. Ouais. Français. Donc, je pense qu'il est principalement connu par tous les Français. Voilà. Et canadien, québécois aussi. Ils sont bretons. Et c'est pas grave, on vous en voilà. C'est pas... On vous aime de vous retrouver. Ça se passera dans la Warzone. Bah oui, en même temps, forcément. Trop, 18h30. Alors de l'apéro. Juste, ouais. Ça, ça peut être problématique. Hein. Voilà, bah, contrairement à un groupe punk comme, comme Interne Sect, qui est plutôt festif, qui fait sur l'humour, tout ça, là, c'est plutôt des textes assez réalistes. Engagés. Engagés, ouais. Voilà. Donc sur le, sur, sur le respect, tout ça, c'est des anticapitalistes. Ouais, ouais, ouais. Totalement, ouais. Et moi, ça va bien me plaire parce que je pense qu'ils vont faire des bons textes d'actualité. Mais ils vont, je pense pas qu'ils vont forcément changer leur texte pour le festival. Mais en tout cas, ils vont choisir les bons morceaux, il y a des chances. Il y a une interview d'ailleurs, ça va être le mois dernier qu'il y avait une interview de, dans le magazine. Je ne sais plus, pardon. Rockard, non ? Ouais, Rockard. D'accord. Je ne sais plus, excuse-moi pour cette intervention. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, t'as vraiment adoré ? Ouais. Je connaissais déjà avant. Ouais. Et j'avais pas écouté les derniers, derniers albums. J'ai pas écouté en entier, ouais, le dernier album, je sais pas trop ce qu'il donne. J'ai écouté que les singles et j'ai écouté plus d'anciens morceaux en fait. Donc. Bah, moi je connais voilà, les premiers, ouais, le petit EP qu'ils avaient fait au début, là, de 5 titres, là, et puis bah, je connaissais à l'époque de Mass Murderers. Ils avaient fait un split assez, assez sympa avec les Mass. Ouais. Et du coup, comme t'as pas écouté Joe, bah, je vais me tourner vers Bob. J'ai écouté un peu Corvus Corax, mais de ce que j'ai écouté, c'était que musical en fait. Bah, y a, oui, il y a beaucoup, beaucoup de leurs morceaux qui sont que musical. Il n'y a pas de chanteur ou c'est rare Il y a du chant, mais ça correspond parfaitement à la musique. D'accord. Quoi, mais, ouais, non, c'est... Et ben, c'est, en fait, c'est hyper étonnant que t'aies pas écouté parce que Joe, je te me défie de pas aimer. C'est, je pense que t'adorerais en fait Corvus Corax. Vraiment. Bah, je vais écouter, il est pas trop tard. Ah bah il est pas trop tard, non, c'est sympa, franchement. Ouais, franchement ouais. Donc du coup, qui reprend ? Toi Bob ? C'est pour ma part. Qu'est-ce que j'en étais où ? Ah, Evergrey. Alors, Evergrey. Ma groupe, Jouldon dans le mille, suédois. Hey, On devrait peut-être aller vivre en Suède. Hein. Peut-être. Metal prog et power qui officient depuis 98 avec The Dark Discovery et ont depuis fleuri l'univers musical du metal de 10 albums de plus. Ce sont des sons très propres, voix un peu trop lyrique à mon goût. Ah ouais, ah ça c'est vrai que le lyrisme c'est pas et puis bah le clavier quoi. Et ça, je ne suis pas fan du coup. Je suis exactement comme toi. Et à un moment donné, il y aura un coup de cœur que Joe va parler. Et c'est souvent là aussi que. Bah, même dans Deep Purple, des fois j'entends le clavier. Ça ouais. Moi, pareil. Tu vois, non. Bah, le clavier, Dimmu Borgir, tout ça, moi ça marche. Ouais, j'ai le même problème. Ouais. Mais après, voilà, chacun son. Je n'ai que Mage, voilà. Je me suis arrêté là. C'est très bien. Parce que je n'ai pas spécialement accroché. Et je pense que j'irai les voir. Ouais, forcément je vais pas aller les voir. Non, tu vas aller voir. J'ai pas accroché du tout. Ouais, en parallèle, il y avait Exhumed, que moi je n'irais pas voir, et Subrosa. Ben, je les ai, moi, Exhumed aussi. Ah ! Que j'ai écouté, forcément. D'accord, on en parlera après. C'est sympathique. Je reprends le rôle, parce que comme tu vas peut-être pas, t'as moins de groupe à parler, donc pour Satienne, je vais vous parler de Rob Zombie. De son vrai nom, Robert Bartley Cummings. Et un réalisateur américain qui a écrit et réalisé le chef-d'œuvre de Devil Reject. C'est tout ce que j'ai. Point barre. D'accord. Ok. Non, ben voilà. Il est aussi marié à Sherry Moon, qui joue dans ses films. Ouais. Voilà. Parce que c'est une très grande actrice. Tout à fait. Non, en vrai, ça c'est aussi un chanteur, un musicien américain qui officie plutôt dans le metal indus, hein, on va dire. Tout à fait. Il est à l'origine de White Zombie, qui se sont séparés parce qu'en fait, ils ne s'entendaient plus. Voilà, c'est ce que je me suis rendu compte. Et en fait, ce que j'aime bien chez Rob Zombie, parce que je ne suis pas un énorme fan, mais j'aime bien, et ce que j'aime chez lui, en fait, c'est que... En fait, aujourd'hui, je suis pas du tout surpris que c'est un mec qui fasse des films parce que quand j'écoute, j'ai l'impression que ça ressemble à des BO ces morceaux en fait. Tu vois, c'est pour il ça aussi. Il a été énormément utilisé pour des BO. Bah ouais, et c'est pour ça que j'ai du mal un peu à écouter parce que ça ressemble pas à un disque de groupe pour moi, ça ressemble plus à des musiques de BO parce que c'est hyper visuel quand t'écoutes en fait. C'est un gros fanatique en fait de tout ce qui est Frankenstein, c'est Dracula, ça. Tout ce qui est. J'ai pas accroché, j'ai écouté un peu, j'ai pas accroché. Parce que ça fait pas musique en fait, comme en gros c'est pas des hits qui te sortent, mais il te sort des trucs d'ambiance directe et mais c'est un univers totalement mais c'est ça à part. Et c'est un peu pour ça moi que je me trompe pas, Manson a dit qu'il s'en était inspiré aussi quoi, parce que c'est pas étonnant. Alors c'est pour ça sûrement que j'irai le voir, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne sur scène, justement dans une démarche live, où voilà, je veux voir ce que ça donne quoi, je veux y aller, je veux aller sentir. C'est ce que je disais, je crois, dans le premier, c'est que les trois premiers morceaux, il en chie un peu quoi. Et une fois qu'il est lancé, c'est après, ça donne petite info que j'ai appris. Et j'adore, moi j'ai plein d'albums. Donc, il est pété de thunes, ce connard. Ça m'étonne pas. Il est méga riche, vraiment. Ouais. Je veux dire, Forbes là, on a parlé comme étant un mec super. Voilà. Et j'ai trois mots pour résumer Rob Zombie. The Devil Reject. Voilà. Si dans votre vie vous devez voir un putain de film, c'est celui-là, parce que partie de mon top 5, jamais un putain de film n'avait pris ce point de vue-là, d'être du côté des tueurs en série, d'une famille, des méchants, et de le traiter aussi bien quoi, du début à la fin. Les scènes, que ça soit gore, malsain, dérangeant, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs quand même où tu fais oh, c'est dégueulasse, mais voilà, c'est un chef-d'œuvre, c'est un putain de chef-d'œuvre. Voilà. Totalement. Et donc rien que pour ça, bah, j'irai voir et te dire ouais, c'est bien. Voilà. J'ai adoré. J'ai trouvé ça vachement bien. Je suis fan. Mais la maison des mille morts. La question que je me suis toujours posée. Parce que moi, non. Et que je me pose encore. Ah si, non, mais moi j'ai bien aimé parce que c'est tout à fait dans l'ambiance Rob Zombie. Moi j'aime bien Rob Zombie à la base. Mais en fait, si tu regardes bien, si tu pars du principe que La Maison des Mille Morts c'est le 1 et que The Devil Reject c'est le 2, non. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, tu sens qu'il va forcément. Mais ça raconte quand même l'histoire de la famille, un tel, et que ça suit. Voilà. Mais c'est pas du tout le 1 et le 2. Voilà. Mais pourtant, c'est ça normalement. C'est plus ou moins mais c'est tout à fait dans son univers, je trouve. Très bien, mais je n'irai pas jusque dans ses propos, monsieur, et je vous laisse. À vos certitudes. Bien sûr. Le public.